après la mort de Stephen Hawking, son dernier papier fait couler beaucoup d'encre. Il y évoque la question sensible en physique des univers multiples. Que contient exactement ce papier et a-t-il l'importance scientifique que la presse lui accorde ? Alors que la Maison-Blanche vient d'annuler un programme de la NASA de surveillance des gaz à effet de serre, nous parlerons également des littoraux, ces régions entre terre et mer qui subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Et enfin, pourquoi les réseaux sociaux ont-ils fait perdre la tête à notre époque ? Les neurosciences en ont une petite idée. Univers multiples, rivages et réseaux sociaux, ce sont quelques-uns des sujets qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de tous ces sujets et de bien d'autres, ils sont partout dans vos magazines, dans votre radio, dans vos téléphones et bien sûr sur vos réseaux sociaux. Toute résistance est futile. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique des sciences fondamentales dans le magazine notre partenaire chéri Science et Vie. Bonjour David Loapre. Bonjour. Vous êtes auteur, responsable de la chaîne YouTube et du blog Science Étonnante et bienvenue à Pierre Faïs. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de la rédaction d'une revue que nous aimons beaucoup à la méthode scientifique, la revue Relief. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, l'émission sur les ondes et sur ces maudits réseaux sociaux, en l'occurrence sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Avant de comprendre comment ces maudits réseaux sociaux, en général, et David Loapre en particulier, se jouent de nos cerveaux vulnérables pour nous rendre accros, elle est votre drogue radiophonique hebdomadaire d'actualité scientifique, c'est Zoé Sfès pour le journal des sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et pour commencer, le premier sujet de la semaine, une équipe de recherche internationale identifie le rôle déterminant d'une protéine dans la dépression et en particulier chez les patients qui sont résistants au traitement, Zoé. Oui, cette protéine pourrait d'abord être un biomarqueur assez pertinent et facilement détectable. Cette étude donc laisse espérer à terme une possible révolution thérapeutique et en tout cas l'accueil qui lui est fait à cette étude très solide méthodologiquement est d'autant plus fort que les attentes sont grandes puisque je rappelle que la dépression touche 2 millions de personnes en France chaque année et que même s'il existe des traitements, un patient sur trois y est tout à fait résistant. Alors plusieurs équipes internationales ont cherché ensemble, notamment il y avait des équipes françaises du réseau français fondamental et tous publient cette semaine un article dans Nature Medicine qui renouvelle un peu l'approche de cette maladie, notamment se focalisant sur les voies biologiques intracellulaires. Ces équipes ont identifié la surexpression d'une protéine baptisée ELK1. C'est ce que m'expliquait Eleni Zvara, elle est directrice de recherche à l'INSERM et c'est l'une des co-auteurs de cette étude. On savait que ces cascades intracellulaires pouvaient être impliquées dans la dépression, mais personne jusqu'à ce travail n'est allé regarder avec des outils très spécifiques pour décortiquer des molécules spécifiques à l'intérieur de ces cascades. ELK1, c'est un facteur de transcription, c'est une protéine qui agit au sein de la cascade ERK pour réguler l'expression et la régulation des gènes de l'émotion. Et nous avons voulu regarder s'il y avait une dérégulation dans l'expression des ELK lui-même. On a regardé dans les sangs des patients dépressifs avant et après traitement. Et on a vu que les patients qui résistaient au traitement n'arrivaient pas à réguler ELK, n'arrivaient pas à diminuer l'expression des ELK dans les sangs. Et aussi dans les cerveaux des patients dépressifs résistants qui étaient décédés par suicide, on voyait une augmentation de l'expression des ELK. Donc un ELK élevé pourrait être indice de résistance à la dépression. Et cette protéine ELK1 pourrait donc être un biomarqueur pertinent pour diagnostiquer et à terme, du coup, évidemment, mieux traiter ces dépressions résistantes. Oui, cette étude est solide puisque donc, on l'a entendu ici, on retrouve cette protéine surreprésentée chez les modèles animaux, dans les cerveaux de dépressifs post-mortem et qu'on peut détecter sa surexpression chez les patients grâce à une simple prise de sang. L'article propose même une piste thérapeutique. Les chercheurs ont réussi à développer un peptide qui inhibe cette protéine et son utilisation a permis de renverser le syndrome dépressif, notamment sur des modèles animaux. Alors pour Raoul Belzo, chercheur à l'Institut des neurosciences de l'hôpital de la Timone à Marseille, lui aussi co-auteur de cette étude, c'est une véritable avancée. Sur l'aspect thérapeutique, pourquoi mettre en évidence cette voie biologique ? On fait l'hypothèse que agir sur cette voie biologique spécifique, qui est extrêmement originale par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui, puisqu'il n'y a strictement aucun traitement, en tout cas dans les mécanismes qu'on connaît des traitements actuels, qui agit directement sur cette voie biologique comme cible, puisque l'ensemble des antidépresseurs agissent à la surface des neurones, en inhibant ou en régulant des récepteurs. Or, là, on a un mécanisme d'action qui est très différent, à la fois factuellement, puisque c'est pas une inhibition, une régulation d'un récepteur sérotoninergique, mais c'est une régulation de ELK1, mais c'est aussi différent parce que ce peptide-là va agir effectivement directement dans la voie biologique à l'intérieur de la cellule. Et pourquoi c'est une hypothèse qui est importante d'un point de vue pharmacologique par rapport à la résistance au traitement? Parce que finalement, on shunte en quelque sorte toute la cascade moléculaire qui se situe entre la surface du neurone et la synapse, là où interviennent les antidépresseurs aujourd'hui, et l'effet physiologique des antidépresseurs. Si on arrive à contourner cette succession d'événements biologiques, on va probablement raccourcir le délai d'action, et le fait de contourner en fait cet ensemble de cascades biologiques nous permettrait peut-être d'éviter certains freins qu'on n'a pas identifiés, mais qui sont probablement à cause de l'inefficacité ou l'inefficience des antidépresseurs classiques chez les patients résistants. En bref, maintenant, un test de la pupille pourrait permettre de détecter l'autisme chez les jeunes enfants. C'est ce qu'indique une étude suédoise où les chercheurs ont étudié les réflexes photomoteurs de bébés d'une dizaine de mois qu'ils ont ensuite suivis jusqu'à l'âge de 3 ans, âge où le diagnostic d'autisme est en général posé. Ce réflexe correspond à la réponse de la pupille quand elle est exposée à des changements d'intensité lumineuse et à la vitesse avec laquelle elle se contracte ou se dilate. Et cette étude révèle que les enfants qui seront diagnostiqués autistes à l'âge de 3 ans auront, à l'âge de 9-10 mois, contracté leur pupille plus fortement que ceux qui ne seront pas atteints du syndrome. Il semble aussi qu'il existe une corrélation entre la contraction de la pupille et la sévérité de l'atteinte autistique. Cette étude va à l'encontre des études précédentes selon lesquelles le réflexe pupillaire était plus faible chez les enfants autistes, oui, mais des enfants plus âgés, donc déjà diagnostiqués, donc plus âgés que 3 ans. Et alors que les beaux jours sont enfin là et s'installent durablement sur nos contrées occidentales, des chercheurs britanniques ont identifié les gènes responsables des coups de soleil. Ces généticiens qui publient dans Nature Communications sur cette étude qui a porté plus de 120 000 Britanniques ont porté à 20 le nombre de régions du génome connues pour le risque à la fois de coups de soleil et évidemment de cancer. Et ils mettent en évidence un lien génétiquement très fort entre brûlure et évidemment cancer de la peau. Chez des Britanniques, Zoé. Eh oui, je sais bien. Allez, le deuxième sujet cette semaine, on va parler de physique quantique une nouvelle fois cette semaine. C'est un peu la semaine et quantique, oui, dans la méthode scientifique. On aime ça. Entre les trous de ver hier et Feynman hier, Feynman hier et les trous de ver mardi, pardon. Une expérience de science participative baptisée de Big Bell Test a permis d'attester la validation des inégalités de Bell, une étape charnière dans la compréhension de la physique quantique. Et justement, pas la validation, la violation des inégalités de Bell. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la spécificité de l'intrication quantique. En physique, le principe de réalisme local impose que deux objets qui sont distants ne peuvent avoir que des corrélations limitées. Les événements que l'un des deux objets subit ne peuvent pas être corrélés à l'autre au-delà d'une certaine mesure. Au cours du siècle dernier, le mathématicien John Stuart Bell formule cette limite entre objets physiques dans des inégalités mathématiques, mais on sait désormais que les objets quantiques, eux, n'obéissent pas à cette règle. En effet, les événements entre particules quantiques, comme par exemple les photons, intriqués, sont corrélés quelle que soit leur position dans l'univers. Ils violent donc les inégalités de Bell, ce que de nombreux chercheurs ont réussi à prouver ces dernières années, mais à chaque fois en ayant recours à des données générées par des systèmes quantiques eux aussi. L'expérience internationale de ce Big Bell Test, menée en collaboration notamment en France avec l'Institut de physique de Nice, a permis de mettre cette théorie à l'épreuve de façon inédite, comme l'expliquait le chercheur Sébastien Tanzilli. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était pour paramétrer des expériences qui posent justement des questions à ces paires de particules intriquées, ou ces photons intriqués, ou ces atomes intriqués. C'était des questions qui étaient paramétrés par des bits aléatoires qui étaient générés par des générateurs quantiques de nombres aléatoires. Donc vous voyez, ça revenait finalement à tester des processus quantiques, c'est-à-dire l'intrication, quelle est la force des corrélations qu'on peut mesurer, avec des systèmes qui sont eux-mêmes quantiques. Donc c'était très bien, parce que l'aléa quantique est le plus fort que l'on sache générer aujourd'hui, mais pour tester un processus quantique avec un système quantique, finalement, c'était un peu de serpent qui se mord la queue, au final. Donc ce qu'on a fait au travers du Big Bell Test, c'est qu'on a impliqué à peu près 100 000 participants qui ont été formés à générer eux-mêmes, donc avec leur conscience d'humain, du nombre aléatoire au travers de jeux vidéo disponibles sur Internet, sur des applications smartphone ou tablette. Et avec ces nombres aléatoires, donc il y a presque 100 millions de bits aléatoires qui ont été générés par ces participants, qu'on a appelés les Bestels. Et ces nombres aléatoires ont pu générer de manière non quantique, ont pu alimenter en continu les 13 expériences qui ont été déclinées au travers de ce Big Bell Test en temps réel. Donc on a pu tester pendant 24 heures 13 expériences en même temps et qui ont toutes donné une violation de ce modèle mathématique pour les inégalités de Bell et montré que les corrélations quantiques portées par des paires de particules intriquées eh bien, sont plus fortes que tout ce qu'on peut avoir comme corrélation dans le monde classique. Voilà, et puisqu'on parle de science participative, un mot pour vous signaler que commence très prochainement, à partir de lundi, les 14, 15 et 16 mai, le festival Pint of Science. Nous avons reçu autour de cette table un vendredi Elodie Chabrol à plusieurs reprises. Donc si vous aimez non seulement la vulgarisation scientifique, mais aussi la bonne bière, eh bien voilà, il suffit de s'inscrire. Il y a des conférences dans tout le pays, dans 40 villes, plus de 300 événements. C'est sur le site de Pint of Science. Je crois que c'est tout simplement pintofscience.fr. Absolument. En bref, Zoé, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, va lancer un fonds d'investissement pour faire démarrer des start-up. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président du centre, Jean-Yves Le Gall, dans une interview donnée aux Échos en début de semaine. Nous avons décidé de mettre en place un fonds qui sera de l'ordre de 80 ou 100 millions d'euros pour faire démarrer des start-up. Il s'agit d'un fonds qui est plutôt focalisé sur ce qu'on appelle l'early stage, les premiers stades de développement des startups. Cet écosystème existe déjà, mais nous voulons le renforcer et surtout le faire se développer parce que nous voyons bien que ce qui fait la différence dans le spatial aujourd'hui, c'est la rapidité. Et pour conclure, ce journal des sciences, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, cette semaine c'est une rubrique corrélation improbable hein, entre... Tragique certainement, entre les femmes qui mangent des pâtes et du riz et une ménopause plus tôt que prévu. Que d'habitude. Effectivement, voilà. C'est une étude alors sérieuse menée à l'université de Leeds qui porte sur 900 femmes et qui vient d'établir donc une correspondance assez étonnante. Les femmes qui mangent le plus de pâtes et de riz sont celles chez qui la ménopause survient le plus tôt. L'existence d'un éventuel lien de cause à effet reste à prouver. Hein. C'est les chiffres, ils sont là, mais rien ne nous dit comment cette ménopause arrive, pourquoi elle est plus précoce. Sur 900 femmes étudiées de 40 à 65 ans, l'âge moyen de la ménopause est de 51 ans. Mais celles qui mangent du riz ou des pâtes tous les jours, ou presque, eh bien, elles sont ménopausées en moyenne à 49 ans. À l'inverse, celles qui mangent beaucoup de poissons gras, saumon, truite, sardines, débutent leur ménopause avec un retard moyen de 3 ans, c'est-à-dire vers l'âge de 54 ans. Donc, c'est des chiffres quand même assez étonnants. Les femmes qui effectuent des cures de zinc et de vitamine D6 verraient leur ménopause arriver de manière plus tardive, effectivement. Alors, c'est très intéressant parce qu'en même temps, l'auteur de cette étude, très clairement, nous dit « La limite de mon étude est son incapacité à prouver l'existence d'un lien de causalité entre les habitudes alimentaire et la ménopause précoce. Tant que je n'obtiendrai pas ce type de preuves, je ne vois aucune raison pour que les personnes changent d'alimentation. Et j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle pour l'italienne que je suis. Ou alors peut-être que voilà, la solution, ce serait de manger des sushis, du riz, du poisson gras. Ou des pâtes au poisson. Ou des pâtes au poisson. Mais ça, l'italienne que je suis ne cautionne pas vraiment non plus. On va revenir à des choses peut-être plus sérieuses. Je voyais l'œil de David Loapre s'illuminer sur ce Big Bell Test, donc sur cette expérience participative assez intéressante sur l'intrication quantique. Oui, ça a été il y a toute une histoire d'expériences d'intrication quantique qui ont été raffinées de plus en plus. Hein. Le premier qui a réussi à violer les inégalités de Bell de façon convaincante, ça a été Alain Aspect, donc ça a été l'expérience fondatrice. Et puis peu à peu, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles. Alors c'était des failles à chaque fois tirées par les cheveux parce que en fait, dans cette expérience, donc on observe des corrélations qu'en théorie on s'attendrait pas à observer dans un système classique. Et on peut toujours trouver des failles, c'est-à-dire se dire peut-être que la corrélation vient d'ailleurs, de la façon dont on a construit l'équipement, etc. Et donc il y a toute une histoire d'expériences successives qui ont été faites pour essayer de boucher les failles des expériences. Et ça, c'est un exemple supplémentaire où, du coup, on essaye vraiment d'avoir une génération qui soit indépendante des systèmes quantiques. Et donc, effectivement, l'idée de recourir à quelque chose de participatif via un jeu vidéo était une idée tout à fait astucieuse. Un mot sur ce journal des sciences, Mathilde, oui ? Je veux bien rebondir sur la même expérience qui m'a interpellée aussi, parce qu'effectivement, il s'agit d'une longue histoire pour essayer de prouver quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la quantique. Et c'est pas simplement, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas simplement pour faire un ordinateur quantique qui calculerait plus vite que les autres. Ça, de comprendre cette intrication, ça pourrait le permettre. Mais c'est aussi parce que l'intrication est au cœur d'un tas de théories fondamentales, en fait, qui visent à expliquer, pour certaines, l'existence fine, microscopique de notre monde, pour d'autres, le début de l'univers. Voilà, l'intrication est vraiment au cœur de la théorie de beaucoup de cosmologistes et de physiciens dans le monde. Donc la comprendre finement, fermer ces dernières portes expérimentales, c'est fondamental pour les chercheurs. Pierre Faillet, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Jean-Yves Le Gall, par exemple, pendant son entretien, je pense qu'il a aussi également parlé de la mission InSight, qui a décollé le 5 mai, et donc qui part sur Mars, vérifier si le cœur est liquide, ou dans quelle mesure, si c'était habitable un moment, et dans quelle mesure ça l'a été. Voilà, et c'est quand même une mission qu'il faut louer, et ne serait-ce absolument avec des instruments français, avec des instruments français, tout à fait, notamment un sismographe français dont nous avions parlé ici même, et on en a reparlé mercredi puisqu'on parlait des microsatellites. Autre chose, David? Oui, ben justement, les microsatellites, je rebondis là-dessus, parce qu'on parlait des startups et de l'écosystème des startups. C'est justement un domaine où c'est assez actif, parce que c'est relativement accessible, avec des grosses guillemets, pour une startup, de se lancer dans une technologie de microsatellites. Et on a vu des choses émerger récemment, notamment françaises, et donc je trouve ça intéressant de voir qu'on va essayer de soutenir ces choses-là. Les CubeSats, allez, on vous renvoie à l'émission consacrée aux nanosatellites. Au CubeSat, c'était mercredi dernier, on va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous ne sommes pas cantonnés à un univers unique, mais nos découvertes montrent que les univers possibles sont beaucoup moins nombreux. C'est une citation du dernier article de feu Stephen Hawking, disparu il y a 2 mois, et dont les ultimes travaux co-réalisés avec le physicien belge Thomas Hertog viennent d'être publiés dans The Journal of High Energy Physics. Branle-bas de combat dans la presse généraliste, avec certainement un biais déformant du fait de la disparition récente de Stephen Hawking. On a pu lire pêle-mêle que ces travaux étaient révolutionnaires, que Stephen Hawking démontrait l'existence des univers multiples. Tout doux à la méthode scientifique. On respire un grand coup, on boit frais et on vous explique calmement que c'est tout de même loin d'être aussi révolutionnaire que tout ce qu'on a pu lire de manière peut-être un peu trop enthousiaste, oui, David. Oui. Tout ça est un peu romanesque, quelque part. Je comprends un peu cet attrait de dire que voilà, quelques jours avant sa mort, Hawking aurait soumis à cette revue scientifique l'article qui résolvait tous les mystères de l'univers. Mais bon, malheureusement, c'est pas exactement ça. Mais l'article est quand même intéressant et je trouvais ça intéressant d'essayer de vous raconter un peu ce qu'il y avait dedans. Donc cet article, en fait, il parle d'une période très particulière de l'histoire de l'univers qu'on appelle l'inflation. Donc l'inflation, c'est au tout début du Big Bang. Alors vous savez que le Big Bang nous dit que l'univers est en expansion. Et en fait, on a fini par se convaincre à la fin des années 70, au début des années 80, que cette expansion, elle n'avait pas été tout le temps régulière, mais qu'elle avait dû commencer par une expansion extrêmement violente, très très rapide, qu'on a appelée l'inflation, pendant un temps très court, avant de revenir à une phase d'expansion, on va dire, un peu plus normale. Et alors quand je dis que cette expansion était violente, les chiffres donnent le tournis, puisqu'on estime que ça a duré à peu près 1 millionième de milliardième de seconde, donc un temps très très très très très court, et que pendant cette période-là, l'univers se serait dilaté d'un facteur 1 milliard de milliard de milliard. Donc voilà, une sorte d'explosion de l'univers avant de revenir à quelque chose d'un petit peu plus calme. Donc ça, c'est la théorie de l'inflation. Et en fait, on s'est convaincu par des indices que certainement les choses s'étaient passées comme ça, mais aujourd'hui on n'a pas de mécanisme pour expliquer qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette inflation, même si on soupçonne quelque chose comme un peu analogue à ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire, qui serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers, mais de façon beaucoup plus importante. Et alors, il y a quelque chose d'assez amusant avec cette inflation, c'est que les chercheurs dans les années 80 ont fini par se rendre compte que ça pouvait pas marcher de façon aussi simple, parce que à cause d'effets quantiques, alors vous savez, en mécanique quantique, les choses sont jamais blanches ou noires, elles sont toujours un peu le mélange des deux, et que donc forcément, dans un phénomène d'inflation, même si l'univers dans certaines régions finissait par cesser son inflation et reprendre un rythme normal, dans d'autres régions de l'univers, ça devait forcément continuer. Et donc, c'est ce que les chercheurs ont appelé l'inflation éternelle, et l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est de se dire que en fait l'univers, l'essentiel de l'univers serait encore en inflation, donc à un rythme absolument hallucinant, et que seulement à certains endroits, il y a comme des poches d'univers dans lequel nous on serait, qui seraient revenus dans une zone plus calme et dans lequel voilà les choses auraient pu se développer, des galaxies, matière, des planètes, etc. L'antimatière, bon bref, ça c'est un autre débat, voilà. Ça. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on pense que si l'inflation est vraie, elle implique forcément qu'on est dans un phénomène d'inflation éternelle, c'est-à-dire qu'on est quelque part dans un endroit assez particulier. L'univers qui est calme, mais que le reste de l'univers est un espèce de truc en expansion dans lequel il y a d'autres zones calmes comme les nôtres. Et donc ça, c'est assez séduisant, c'est ce que les gens appellent parfois le multivers. C'est l'idée que, en fait, finalement, notre univers serait composé de plusieurs plusieurs univers différents dans lesquels éventuellement les lois de la physique pourraient varier. Par exemple, la gravité pourrait être plus forte ou moins forte, ou l'interaction électromagnétique, etc. Et ça, ça intéresse beaucoup les chercheurs en physique théorique parce que c'est un moyen d'expliquer pourquoi finalement les constantes fondamentales dans notre univers à nous sont ce qu'elles sont. Et une réponse pourrait être de dire que finalement, il y a plein d'univers et on se trouve que voilà, nous on est dans un avec certaines valeurs, mais qu'il peut y en avoir d'autres. Que ça, on utilise souvent l'image de la casserole de l'eau qui bout, hein, de ces univers bulles. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Et alors que dit c'est l'un des problèmes en fait avec cette théorie des univers multiples ou des univers bulles, c'est que c'est de la pure expérience de pensée, c'est-à-dire que on a a priori aucun moyen. A priori, évidemment, aucun moyen de l'observer jusqu'à preuve du contraire. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que la théorie nous dit que peut-être il pourrait y avoir un univers complètement déconnecté quelque part d'une autre. Donc du coup, on est un peu aux limites de la science. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on dit qu'on ne pourrait pas vraiment le tester. Et alors, l'apport de Hawking et donc de son co-auteur, hein, Hertog, là-dedans, c'est qu'ils ont essayé de comprendre si l'inflation éternelle était finalement si chaotique que ça, en quelque sorte. Et ils l'ont étudié et... Enfin, c'est important de souligner ça, dans un contexte très particulier. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qu'on appelle en physique théorique souvent un modèle jouet, un toy model, c'est-à-dire on prend un modèle très simplifié dont on sait qu'il ne représente pas la réalité, mais dont on se dit que si on l'étudie et qu'on pousse les calculs, on va peut-être arriver à apprendre un ou deux trucs intéressants qui vont peut-être être vrais dans l'univers. Donc ils ont pris un modèle jouet simplifié de ce qu'il a pu se passer au début de l'expansion de l'univers, pendant la période d'inflation, et ils ont... mélanger ça, on va le dire vite, avec certaines choses qu'on a appris récemment en théorie des cordes, et notamment ce qu'on appelle le principe holographique, c'est-à-dire l'idée que quand on a quelque chose, par exemple, en trois dimensions, on peut finalement le comprendre en ne regardant que ce qui se passe au bord. Ils ont développé le modèle, et ils sont arrivés à une conclusion qui est assez étonnante et qui, du coup, est stimulante pour l'esprit, c'est que, certes, l'inflation éternelle est peut-être vraie, on est peut-être dans un multivers, mais leur conclusion, c'est que les différents univers qui seraient nés, les différentes bulles, finalement, ne seraient peut-être pas si différentes que ça les unes des autres. Et ils arrivent à la conclusion que peut-être les différents univers multiples se ressemblent beaucoup plus les uns les autres que ce qu'on aurait pu croire avant. Et alors, du coup, c'est l'une des conclusions, parce qu'il y a non seulement le fait que ces univers bulles pourraient ne pas être si différents que ça, mais qu'ils seraient non seulement moins nombreux, vraisemblablement, et qu'en plus, ce multivers, en quelque sorte, il ne serait pas infini, mais il aurait aussi une sorte de topologie bien délimitée. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans la théorie habituelle, la quantité d'univers est un nombre absolument hallucinant. Hein, j'ai été retrouver le chiffre. Dans la théorie classique de l'inflation éternelle, on dit que chaque seconde, le nombre d'univers est multiplié par 10 puissance 37. Donc 10 puissance 1, 37, 0, 9. Donc voilà, donc le nombre d'univers. Et donc les travaux de Hawking et Hertog viennent un peu modérer tout ça et dire que finalement les choses sont peut-être pas si hallucinantes que ça. Et là où ça devient assez provocateur et intéressant, c'est que cette idée du multivers avec les constantes qui varieraient d'un univers à l'autre, c'est quelque chose qui a été utilisé par ce qu'on appelle le principe anthropique. Donc le principe anthropique, c'est quoi ? C'est cette fameuse question de pourquoi on explique que la gravité a telle valeur, que la force électromagnétique a telle valeur. Et donc le principe anthropique nous dit, finalement, il y a plein d'univers qui ont tous des constantes différentes. Et puis nous, on se trouve juste dans celui qui a permis l'émergence de la vie. Parce qu'il y a un peu ce paradoxe que si on prend n'importe laquelle des constantes fondamentales et qu'on la change un tout petit peu, ça marche plus, il n'y a plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de vie, etc. Et donc, voilà, la théorie du multivers était un moyen de résoudre ce problème en disant, en fait, il y a plein d'univers et nous, on est dans celui qui va bien. Et là, ce que nous disent Hawking et Hertog, c'est qu'ils nous disent, finalement, les univers ne sont pas si différents que ça. Et donc, si tout ça se confirme, je précise, c'est à nouveau un modèle jouet, ça voudrait dire que il va falloir trouver un autre moyen d'expliquer que les constantes fondamentales sont ce qu'elles sont. Et quelque part, pour un physicien théoricien, c'est assez intéressant parce que ça revient à passer d'une explication qui est un peu circulée, il n'y a rien à voir, de toute façon les choses sont comme ça, à finalement se dire, il va vraiment falloir essayer d'expliquer pourquoi les constantes sont ce qu'elles sont, et donc il y a encore du boulot. On vous a mis le lien aussi, on avait consacré une émission assez passionnante avec Aurélien Barraud, qui est un grand spécialiste du multivers, des univers multiples, et à sa propre façon, à sa façon très, très philosophe, très poétique, hermétique et très emportée. Ça avait donné lieu à une émission assez, assez séduisante. Peut-être revenir sur cette question, parce que c'est vrai que les multivers, c'est une expérience de pensée qui divise beaucoup la communauté physique. Parce que, en gros, pour bien comprendre, David, ce que dit cette théorie, c'est de dire qu'en fait, à chaque instant, parce que dans Big Bang, on entend bien Big, la question, c'est de le bang. C'est le bang, c'est le moment où ça s'arrête. Ça veut dire qu'en fait, pour notre cas, ça aurait été juste dans cet espace de Planck extrêmement minuscule et ça aurait duré très très très très peu de temps, alors que finalement, dans plein d'autres, il y aurait eu un bang qui aurait pu durer des milliards, des milliards et des milliards d'années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, enfin, c'est ce que dit la théorie de l'inflation éternelle, en fait, l'essentiel de l'univers est encore en train de faire son Big Bang. C'est comme si on imaginait, par exemple, un océan dans lequel on aurait dit, à certains endroits, il y a des petites bulles qui naissent, et en fait, les bulles naissent à un certain rythme, sauf que l'océan lui-même s'étend beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, l'immense majorité de l'univers serait encore dans sa phase d'inflation et donc dans cette phase un peu de Big Bang. Et dans les expériences de pensée intéressantes, puisqu'on parlait justement des trous de verre mardi dernier, de ces trous de verre qui sont des solutions à la relativité générale d'Einstein et qui indiquent qu'il pourrait peut-être y avoir des passages, allez, pour résumer vite fait, on le disait beaucoup mieux et de façon beaucoup plus fine dans l'émission de mardi, d'un point A à un point B de l'espace-temps. Finalement, dans cette théorie des univers bulles, il n'y a aucune communication possible entre les univers bulles, puisque l'univers continue de s'étendre, donc il ne peut pas y avoir de communication. Voilà, et puis on est séparé d'une bulle à l'autre, on est séparé par cet univers qui est toujours en train de faire son Big Bang, qui est encore en inflation éternelle, et au milieu duquel naissent tout un tas d'univers. Oui, c'est ça. Il y a une théorie qui était amusante, on va continuer à gratter un peu, parce qu'évidemment c'est toujours très séduisant intellectuellement, cette théorie du multivers, et d'ailleurs on va consacrer une émission entière à nouveau à cette question-là, c'est celle du cold spot. Le point froid dans le fond du flux cosmologique qui pourrait, selon une théorie que vous allez nous expliquer, marquer la preuve que notre univers a été à un moment donné en intersection avec un autre de ces univers bulles. Oui, alors donc en fait, quand on observe le rayonnement cosmologique, donc qui est ce rayonnement un peu un fossile du Big Bang qui est dans toutes les directions, en fait, on se rend compte qu'il est remarquablement similaire, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Hein. Et donc, quand on dit similaire, en fait, ce qu'on mesure, c'est une température. Et donc, dans toutes les directions qu'on regarde, on semble observer la même température. Et donc, il y a effectivement un point quand on regarde la carte du rayonnement cosmologique. Donc, forcément, la carte du rayonnement cosmologique, il y a des points plus chauds, il y a des points plus froids, et tout ça a l'air un peu aléatoirement distribué. Et puis il y a un point où il y a beaucoup plus de bleu, hein, si on représente le bleu par du froid, qui semble une anomalie statistique. Alors il faut quand même être prudent parce que des fois ça peut être effectivement être simplement une anomalie statistique, c'est-à-dire y a un peu plus de froid dans ce coin-là, mais c'est pas forcément le signe de quelque chose de profond. Et donc voilà, il y a effectivement des théories qui essayent d'interpréter ça comme étant des relations et des intersections entre différents univers. Je pense qu'à ce stade il faut être prudent, hein, ça pourrait très bien être une anomalie statistique. Mathilde Fontaise, un mot sur ce dernier papier de Stephen Hawking et sur cette théorie des univers multiples en général ou en particulier ? Oui, c'est vrai que la théorie des univers multiples est hyper séduisante parce que y a cette idée rassurante aussi du principe anthropique de se dire qu'il y a une raison pour laquelle les constantes de l'univers sont ce qu'elles sont. Et à la fois, on retrouve aussi toute une communauté de chercheurs qui doit être ravie de cette sortie de Hawking, cette sortie posthume de Hawking qui depuis longtemps n'est pas satisfaite de cette réponse anthropique et qui depuis longtemps dit c'est un petit peu rapidement éludé la question comme vous le disiez tout à l'heure et c'est vrai que si ça peut redonner un élan un petit peu parce que parallèlement il y a aussi toute une partie de la communauté qui est un peu sceptique, qui crie à la dépense d'énergie pour résoudre des questions qui de toute façon sont à la limite de la science comme on le disait, qui pourront jamais être prouvées etc. alors qu'en fait on peut pas s'empêcher quand même d'explorer ces régions de la pensée les plus extrêmes et puis par rapport au cold spot et au rayonnement de fond cosmologique, c'est vrai que c'était, je pense que c'est encore maintenant, l'un des grands espoirs de pouvoir tester un jour ces théories. Quand il y a eu la carte la plus précise du rayonnement de fond cosmologique, c'était en 2013. Effectivement, il y avait eu des pré-travaux en fait qui préparaient cette carte et qui essayaient de dire si on voit un petit peu des cercles comme ci sur le rayonnement de fond, on pourra en déduire ça sur les théories et qu'il y a des univers multiples. Si on voit ça, on pourra déduire que l'univers est né dans un rebond, c'est-à-dire dans un Big Bang à l'envers qui s'est après déployé, etc. Un Big Bounce. Et alors la carte s'est révélée complètement homogène, mis à part ce cold spot pour lequel on s'interroge, comme vous le disiez, est-ce que c'est un bruit statistique ou est-ce que c'est un vide aussi entre notre regard à nous et puis le rayonnement de fond qui nous brouillerait la vue en fait sur ce rayonnement. Mais voilà, donc toutes ces questions-là sont fondamentales. On a encore un espoir peut-être en étudiant plus le rayonnement de fond de les comprendre, de les tester. Oui, alors sur la question des multivers et le principe anthropique, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu rendu populaire, même chez les scientifiques, cette idée-là, alors qu'a priori, elle est presque à la limite de la science. C'est un peu le parallèle avec la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que la théorie de l'évolution, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a dit, finalement, il n'y a pas à chercher d'explication pourquoi est-ce que tel animal est devenu comme ça, c'est juste le hasard, et puis certains ont été sélectionnés, pas d'autres. Et il y a un peu cette idée qu'on peut mimer, et je pense que ça a participé un peu à la popularité, en tout cas, c'est cette dernière décennie, peut-être, de ces explications un peu anthropiques. Il y a un autre facteur qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça collerait très bien avec avec la théorie des cordes. La théorie des cordes a un problème, en quelque sorte, c'est qu'elle n'arrive pas justement à choisir parmi tout un tas de possibilités de valeurs des constantes, et quelque part, ça résout un peu le problème en disant, il n'y a pas à montrer qu'il y en a une qui est bonne, puisqu'elles sont toutes vraies. Et donc voilà, c'est un peu à participer, je pense, à cette popularité des explications anthropiques ces dernières années. Et puis, il y a un petit syndrome galiléen aussi en train de dire, puisqu'on a pensé que l'univers, la Terre était le centre de l'univers, maintenant, pouvoir penser qu'il y a d'autres univers bulles, et que cet univers-là, c'est finalement ce serait la nouvelle révolution copernicienne du 21e siècle, non, Mathilde ? On ne peut pas s'en passer, ça, d'être centré sur notre nombril. On en avait encore une fois la manifestation récemment, quand on essaye de penser, par exemple, la vie extraterrestre, et qu'on essaye de s'imaginer un peu à quoi elle pourrait ressembler, en fait, on ne peut que penser à une vie terrestre, et il nous est absolument impossible d'imaginer autre chose. Donc on est de toute façon influencé par ça, et peut-être que c'est assez vain d'essayer de s'en séparer. Oui, ça me fait sourire, parce que justement, je pense, je vais pas avoir le temps de développer l'argument, mais il y a un argument très intéressant que j'ai lu justement sur l'inflation éternelle, et qui tend à montrer que si on croit à l'inflation éternelle, on doit aboutir à la conclusion que nous sommes probablement la seule civilisation intelligente de notre bulle d'univers. Et j'ai trouvé ça assez amusant. La boucle est bouclée. On va essayer de vous retrouver cet article, on va mettre au défi notre community manager, Noémie Naguet, de trouver cet article, et on va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission. Allez. Scientifique Nicolas Martin. Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lampes rococo. La pluie viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme dans les L'amour à la plage sur France Culture à 16h33 de Niagara. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que c'est bientôt l'été et que le retour de l'envie tenace de faire l'amour à la plage point en chacun de nous. Enfin, je l'espère, en tout cas, il va falloir se dépêcher parce que la plage, le littoral, est en passe de disparaître ou en tout cas de subir une transformation radicale pour cause de réchauffement climatique, de montée et d'acidification des océans. Et les rivages, c'est le thème de la dernière livraison de la revue Relief, dont vous êtes le directeur, Père Faïs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les rivages ? C'est la continuité des différents numéros précédents. On était avant dans le ciel et dans la mer, et puis maintenant on accoste la terre avant d'aller vers les sommets en novembre. Voilà, et de parcourir les différents reliefs entre ces deux points, le plus bas et le plus haut. Donc c'est un peu un voyage propre à relief. Donc là, on est dans un espace intermédiaire. C'est un espace topographique, géographique curieux, le littoral. Oui, bah, effectivement, c'est entre terre et mer. C'est aussi un espace où il y a une biodiversité très riche. Il y a un article par exemple de Gilles Boeuf qui explique comment la vie est apparue sur le littoral, donc comment la vie petit à petit est arrivée proche des côtes, a dû s'adapter à des eaux moins salées et comment après elle a dû s'adapter à l'air, sortir de l'eau, arriver sur terre, développer un squelette. Voilà, donc c'est passionnant de savoir, c'est arrivé il y a 1 million d'années pour les cyanobactéries et il y a 450 millions d'années pour les plantes et les animaux. 1 milliard et 450 millions d'années. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend exactement par littoral? C'est quelle zone? De quoi on parle? Eh ben, c'est assez la littorale. Il y a le supralittoral ou l'infralittoral. C'est la zone, en fait, quand vous êtes sur la côte, que vous pouvez voir, c'est celle qui est balayée par les marées quand vous êtes sur la plage. Voilà. On dit que c'est aujourd'hui plus de la moitié de la population vit à moins de 100 km du littoral. Oui, et alors 75% de la population en 2025 vivra sur une bande de 75 km. Donc c'est vous dire, en fait, il y a un afflux humain vers le littoral extrêmement important. Et du coup, ça pose pas mal de problématiques. Notamment parce que la côte, il y a une érosion énorme et qu'il y a un réchauffement climatique qui amène une montée des eaux. Voilà, et une montée des eaux qui s'accélère. Avant de parler peut-être du réchauffement climatique et de la montée des eaux, c'est une zone fuyante à plein d'égards, ne serait-ce que parce que sur les 4 milliards et demi d'années que la Terre est Terre, cette zone, elle a beaucoup varié. Il y a des moments où elle a été sous l'eau, sur l'eau, donc c'est une zone à la fois sédimentaire, une zone qui prend l'air, une zone qui bouge tout le temps, en fait. Oui, oui, effectivement, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Il y a eu des périodes glaciaires, la mer était emprisonnée dans la glace, donc on n'avait pas du tout le même niveau. C'est stable depuis à peu près 3000 ans et c'est dans les 100 dernières années où on constate une augmentation du niveau de la mer. Oui, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 21 000 ans, la mer était c'est à 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Exactement, ouais. C'est ça. Voilà. Et pour se stabiliser il y a 3000 ans, ensuite on a mis pour mesurer cette montée ou cette baisse, mais en tout cas là c'est une montée, on a installé des marégraphes dans les zones portuaires au cours des 2 derniers siècles. Et c'est à partir des années 90 qu'on a commencé à mesurer le niveau de la mer depuis l'espace, depuis les satellites. Topex, Poséidon, c'est un Jason 1, 2, 3. Voilà, Annie Cazenave en parle très bien dans le relief. Ouais, bien sûr. Et ça permet d'avoir des mesures très précises au centimètre près et aussi de mieux comprendre comment se répartit la hausse du niveau de la mer et de prévoir quelle proportion cela pourra prendre au cours des 25, 50, 100, 200 prochaines années. Aujourd'hui, c'est attesté, hein, la mer, le niveau de la mer a monté donc à une vitesse qui est une vitesse, on dit, non géologique. Oui, c'est ça, et c'est principalement dû à l'activité humaine, donc au gaz, enfin, à l'effet de serre et au réchauffement climatique. Il y a plusieurs causes à cela. Il y a d'abord la fonte des glaciers de montagne. Ensuite, il y a aussi la calotte polaire, le Groenland et l'Antarctique, notamment l'Antarctique Ouest, qui est plus instable. Les deux conjugués, c'est à peu près 56% de cette hausse. Voilà. Et ensuite, il y a une cause très importante qui est le réchauffement de l'océan, qui du coup se dilate et augmente. Et ça, c'est 30%. Évidemment, si on corrèle ça au fait qu'aujourd'hui les littoraux sont extrêmement peuplés, ça risque de modifier par ailleurs à terme assez radicalement le visage de ces littoraux, le trait de côte. Oui, il y a beaucoup d'îles, on sait, dans le Pacifique qui risquent de disparaître. Qui risquent de disparaître, même par exemple si on prend la Camargue. C'est l'exemple que vous prenez dans la revue. Voilà, il y a des prévisions qui tape sur une hausse de 1 mètre d'ici 2100, la Camargue serait complètement rayée de la carte, enfin complètement presque rayée de la carte. Voilà. Ouais. Et ce qui est évidemment jamais très rassurant quand on parle d'environnement et des conséquences, ou en tout cas des conséquences à moyen ou à long terme, c'est que l'océan, et vous en parliez très bien dans un numéro précédent, mais vous en parlez à nouveau là dans celui-ci, a une force d'inertie climatologique extrêmement et beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue que ne l'a l'atmosphère. Et l'atmosphère, exactement. Et donc du coup, c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée et qui est donc pas très rassurant en soi, même si j'ai, enfin voilà, et qui demande aussi du coup un aménagement du territoire et bien sûr, et une réduction, enfin des De l'émission de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas l'air d'être tout à fait. Vu la dernière annonce. Voilà, vu l'annonce de la Maison Blanche que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que la Maison Blanche va empêcher la NASA de poursuivre à mesurer la teneur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Peut-être un mot aussi, il y a des papiers assez passionnants. Donc, vous traitez cela effectivement par l'approche purement scientifique, mais aussi par l'approche géographique, historique, toute cette histoire complexe à la fois de sciences dites dures et de sciences sociales qui entourent l'histoire des rivages. Oui, bah par exemple, il y a un article de Magali Regezazit qui parle de la littoralisation des sociétés dans les sociétés occidentales. Et en fait, c'est quelque chose dont parlait très bien aussi Alain Corbin, le territoire du vide, sous-titré Le désir du rivage, où il y a un renversement du regard sur et de notre rapport au littoral, c'est-à-dire qu'avant on tournait le dos au littoral et qu'au cours du XXe siècle, petit à petit, on a été attiré par le littoral. C'était une élite artistique, aussi des personnes aisées. Il y a eu le tourisme, le fait qu'il y ait des congés payés et toute une infrastructure et une littoralisation, artificialisation, de la côte. Et du coup, et maintenant, voilà, l'amour à la plage. Quoi. C'est ça, mais l'amour à la plage, c'est très très récent. C'est-à-dire que le littoral, la plage, ça n'est pas un endroit si hospitalier que ça dans l'histoire de l'humanité. Pas du tout. Il y a des ports, évidemment. Voilà. On essayait de cultiver les terres plutôt à l'intérieur en tournant le dos. C'est plutôt des éléments plutôt effrayants. Il y avait aussi toute une mythologie sur les monstres marins, si on remonte encore plus loin. Mais oui, c'est assez récent, en fait, cet attrait pour, en tout cas dans les sociétés occidentales, pour la plage, tel qu'on l'entend. Oui. Un mot, il y a aussi un mot assez intéressant en termes d'environnement, c'est qu'aujourd'hui, ces littoraux, vous le disiez tout à l'heure, Pierre, abritent des écosystèmes marins, qui sont des écosystèmes marins importants, essentiels, et notamment en termes de biodiversité, avec d'une part les coraux sous l'eau immergés, et d'autre part la mangrove. Exactement, le coraux, donc, qui représente 1% de la superficie des océans, mais qui abrite 30% des espèces marines. Voilà, et ces coraux, du fait de ce réchauffement climatique, il y a un phénomène de blanchiment. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le réchauffement des océans est la principale cause de blanchiment, et du coup, c'est une menace pour les espèces qui sont protégées. Voilà. On va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement aux coraux et à la Grande Barrière, qui effectivement n'est pas en très très bonne santé. Et puis étonnamment, alors qu'on a l'impression que ce littoral c'est un espace ouvert, un espace transitionnel entre la terre et la mer, bien pour beaucoup de choses, notamment pour la pollution, qu'elle soit chimique, qu'elle soit plastique, c'est un endroit d'aboutissement. Oui, en fait, la principale pollution des océans vient de la terre. Voilà, la majorité de la pollution vient clairement de la terre, et une des causes principales, c'est l'agriculture intensive, l'emploi d'engrais, de nitrates azotés, qui vont dans les nappes phréatiques et qui par écoulement arrivent sur le rivage et du coup dans la mer. On a aussi ce problème avec les macro-déchets et le plastique. On connaît tous le septième continent, qui est quand même un... Il y en a qui s'est diversifié, parce qu'il y en a maintenant 5 ou 6 des 7e continent. Il y en a dans l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord, le Sud, l'océan Indien. Ouais. Enfin, c'est gyros de plastique. C'est gyros de plastique, exactement. Voilà, tout ça, c'est passionnant. Il y a plein d'articles absolument passionnants. Vous le citiez, Gilles Boeuf, sur l'évolution, la vie qui est sortie de la géographie. C'est dans ce numéro 7 de la revue Relief sur les rivages, qui est encore une fois, c'est vrai qu'une revue que nous aimons beaucoup. La méthode Merci beaucoup. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h43, c'est vrai qu'on vous en parle à tout bout de champ, parfois, peut-être souvent, ad nauseam. Les réseaux sociaux ont envahi notre planète, impossible de passer à côté, difficile de ne pas y céder. Quand bien même vous n'auriez ni compte Twitter, ni compte Facebook ou Instagram ou que sais-je, eh bien vous avez très probablement un téléphone dit intelligent dans votre poche qui vous envoie mécaniquement, régulièrement des notifications, un mail par-ci, une alerte d'actualité par-là. Bref, dans ce monde numérique qui est le nôtre, notre attention est constamment sollicitée par ces nouveaux outils, à moins qu'ils ne soient d'ores et déjà des bourreaux et nous leurs esclaves consentants, Mathilde Fontaise. Est-ce qu'on a perdu la guerre déjà ? Oh ouais, on a je sais pas si on peut dire qu'on a perdu la guerre, parce que je sais pas s'il faut être négatif, c'est justement le point de départ de notre enquête, c'était de se rendre compte qu'on pouvait pas encore évaluer les conséquences de cette surconsommation d'écran actuelle. On peut la chiffrer, hein, petit rappel de chiffres, hein, on a en gros, en moyenne en France, on passe 1h30 devant un écran, 90% des gens ne sortent pas sans leur smartphone, et il y a 63 000 requête Google par seconde. Une petite horloge aussi qui montre le pourcentage d'utilisation par heure de la journée. C'est totalement terrifiant. Non, mais c'est vrai, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. C'est des chiffres très impressionnants, et c'est vrai que donc voilà. Et donc pour revenir au point de départ, on voit bien qu'il y a des études qui commencent à être menées pour essayer d'évaluer l'impact sur le cerveau, sur nos comportements, etc. de cette surconsommation d'écran. Et pour l'instant, les études sont pas conclusives. Il y a des petits changements comportementaux, mais le travail est en cours et on peut encore rien conclure. Alors il y a beaucoup de gens qui concluent de manière négative en disant que nos enfants sont presque bêtes ou presque fous déjà, mais on peut pas conclure tout ça et donc on s'est posé la question à rebours en fait de savoir finalement pourquoi ça marchait tant et est-ce qu'il y avait des explications à ça au moins, et on s'aperçoit que oui, pour la bonne raison que les ingénieurs de la Silicon Valley se sont largement nourris d'études psychologiques, neurologiques, sur le comportement, sur notre capacité d'attention, et puis aussi ce fonctionnement-là de tous ces sites, hein, de Facebook, de Google et tous ces sites-là. Qui est un fonctionnement de, en fait, ils sont comment dire créés par essais erreurs, et donc forcément ils vont être faits pour s'adapter en permanence et devenir le plus efficace possible pour toujours la même chose, capter notre attention. Pourquoi? Pour nous vendre de la publicité d'une part, et d'autre part pour collecter nos données personnelles. Voilà les deux raisons pour lesquelles on nous incite à aller sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous regardez ça à travers le prisme des neurosciences, et notamment on voit bien, et un certain nombre d'études le disent maintenant depuis un certain temps, que notre cerveau est en quelque sorte pris en otage, parce que toutes ces mécaniques, hein, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone, les alertes, les notifications, les mails, tout ça fait entrer en jeu le circuit dopaminergique qui est, disons-le très simplement, hein, le circuit qui est utilisé notamment par la consommation de drogue. Voilà, et donc les circuits de la récompense qui sont extrêmement sollicités. Exactement, en fait, donc là c'est vraiment le lien. On a essayé de faire ça, ce travail de remonter le fil neurologique en fait qui nous lie et qui nous lie complètement à ces applications. Quelle qu'elle soit, on en a considéré plusieurs, on a essayé de sortir quelques cas d'école, et derrière ça c'est vraiment toujours le chasseur-cueilleur qui revient, hein. c'est notre capacité par exemple, hein, donc à être complètement happé, complètement capté par le moindre petit signal lumineux, le moindre bruit. Donc ça c'est le principe de, ben, au départ il fallait qu'on puisse repérer une pomme dans un arbre, il fallait qu'on puisse échapper à un danger qui surgit en bord de notre champ visuel, et donc au moindre bruit, à être vigilant à tout ça, et c'est ce qui fait que ben, on peut pas se concentrer, qu'on va avoir l'attention tout de suite détournée quand on va avoir un petit onglet qui clignote dans un coin. Et donc les études sont vraiment là-dessus. Il y a des études qui sont faites et qui montrent à quel point c'est fort, hein, à quel point ces éléments-là sont forts, et qu'on peut être même, par exemple, notre attention, les études montrent que notre attention peut être même dégradée juste par la présence du téléphone portable posé sur une table. On en avait parlé ici, ouais. C'est une étude qui a été faite au Texas sur 548 volontaires, qui est effectivement assez glaçante là aussi. C'est-à-dire que la seule présence du téléphone sur une table, quand on demande aux gens qui passent l'étude d'effectuer une tâche intellectuelle, eh bien l'attention est détournée et parasitée par la seule présence du téléphone, même s'il ne s'allume pas. Voilà, même s'il ne s'allume pas, parce que nous sommes des chasseurs-cueilleurs, parce que nous sommes vigilants et tout. Et alors, vous parliez tout à l'heure du circuit de la récompense, et alors là c'est évidemment les messages, c'est-à-dire par exemple ce mécanisme qu'on a tous de réactualiser notre boîte mail pour voir si on n'aurait pas un cadeau qui surviendrait, un message. Alors un message, c'est un message d'un ami, c'est une publicité, mais à force, la récompense, c'est le mail en lui-même, sans avoir besoin d'avoir un contenu. Et donc ça, les études ont été faites de savoir quelle zone du cerveau ça pouvait stimuler, et ce sont typiquement ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Donc c'est un mot pompeux, mais en fait c'est simplement les circuits de la récompense et la libération de dopamine. Et donc on a des décharges de dopamine quand on va avoir ces informations qui tombent, et donc après on va avoir tendance à après préférer le faire. Il y a même eu des études qui ont montré que pour alimenter ce circuit de dopamine, les usagers préféraient alimenter ce circuit de dopamine plutôt que d'avoir de l'argent. Ça c'est quelque chose Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est de la manipulation du cerveau social qui montre qu'effectivement, c'est lié à un autre circuit qui est celui de la gratification de parler de soi. C'est-à-dire, quand on parle de soi, ça fait du bien. Ça a été utilisé dans un certain nombre de thérapies. Parler de soi, c'est bénéfique. Mais là, effectivement, une étude montre que certains participants préfèrent largement parler d'eux-mêmes que d'être récompensé par de l'argent. Voilà, et donc là c'est notre capacité à être social, et donc là ça remonte loin aussi, hein. On comprend bien pourquoi il peut être utile pour un animal d'être social, pour la coopération, pour les relations sexuelles et donc la perpétuation de l'espèce, etc. Et donc forcément notre côté social nous rend hyper bons clients de ces applications qui nous mettent tout le temps en contact avec nos amis, avec notre environnement. Avec nos proches, etc. Ah ouais. Il y a quelque chose dont on avait déjà parlé ici aussi que vous soulevez dans ce dossier de Science et Vie, c'est la notion de l'absence de signal d'arrêt. Ça, c'est quelque chose qui est très propre à tous ces contenus-là, contrairement à un temps, un journal, à la fin d'un chapitre, la fin d'un film, la fin d'un épisode de série télé. Eh bien, tous ces signaux d'arrêt qui nous disent maintenant, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez faire autre chose, tous ces signaux d'arrêt disparaissent petit à petit. Oui, alors là, c'est la mise en scène, l'une des meilleures mises en scène actuellement, peut-être que c'est Netflix hein, qui propose systématiquement un autre contenu. Quand on finit sa série, on nous propose un autre contenu pour lequel on a étudié nos goûts, et on nous propose un contenu qui peut nous convenir, etc. Et on fait disparaître comme ça le signal d'arrêt. Alors, il n'y a aucune étude qui a été faite spécifiquement là-dessus et qui étudie les impacts neurologiques. Par contre, de nombreux spécialistes nous ont fait remarquer que ça se rapprochait énormément de ce qu'ils appellent le test de la soupe. Ils ont soumis, donc c'est une étude qui date, alors si je retrouve la date, de 2005. Elle a été menée à Cornell. Et donc, en fait, il s'agissait tout simplement de présenter deux bols de soupe à des volontaires, dont la moitié donc, était un bol de soupe classique et l'autre moitié était un bol de soupe avec un dispositif ingénieux qui permettait au bol de soupe de se remplir sans que la personne en soit consciente. Par le fond. Et bien forcément, les personnes qui avaient leur bol de soupe qui se remplissait mangeaient 73% de plus de soupe que les autres. Non seulement ça, mais en plus, ils n'avaient pas particulièrement mal au ventre, ils ne se sentaient pas particulièrement pleins et ils n'avaient pas de sensation de satiété particulière. Donc en fait, l'annulation des signaux de faim transforme l'esprit à tel point que même tous les autres signaux que notre corps pourrait donner ne sont même pas écoutés. Et c'est vrai aussi pour le déroulement des fils Twitter, Facebook, Instagram, à aucun moment il y a une page qui se tourne, on peut dérouler sans cesse. Où l'info continue. Notamment, tout ça pour encore un autre élément passionnant, c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'en fait on est complètement dépendant, on finit par développer une peur de ne pas savoir, de ne pas être alerté, de ne pas être prévenu. Oui, alors ça c'est une autre partie du cerveau, hein, c'est l'amygdale, et c'est cette histoire de renouvellement permanent hein, de l'information et du flux autour de nous aussi. Et donc ça a effectivement été formalisé un peu en 2013 en appelant ça FOMO. Et donc là c'est de nombreuses études qui appuient ce concept-là et qui montrent que dès qu'on est privé, un petit peu éloigné, ou qu'on nous empêche en tout cas de répondre aux sollicitations, on a des signes d'anxiété assez forts qui se montrent. Hein. Par exemple, une étude en 2014 qui montrait que la fréquence cardiaque et la pression sanguine augmentaient si on empêchait à des personnes, torture extrême, de répondre à leur téléphone qui sonne à côté d'elles. Dans l'étude, ils précisent bien qu'ils n'ont pas dépassé six coups de téléphone manqués. Je pense qu'après, les gens se seraient peut-être arrachés à leur chaise. Je ne sais pas, mais on voit bien la torture. Est-ce qu'il y a quelques effets positifs à tout ça, ou est-ce que tout ça nous montre plutôt l'état de dépendance auquel nous avons abouti collectivement? Alors, on peut pas forcément, en tout cas, on peut pas conclure que ce soit positif ou négatif. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est simplement qu'effectivement, ces technologies nous sont complètement adaptées et nous captent complètement. Alors, après, est-ce qu'il faut lutter contre? Il y a quand même un mouvement de personnes, notamment récemment, qui sont issues, pour la plupart, et c'est l'ironie, des entreprises qui ont fabriqué ces outils. Donc, que ce soit Facebook, Apple, Google, etc., qui ont pris la parole ces derniers mois et même ces dernières années pour commencer à dire à quel point ils étaient inquiets. Je vous rappelle les mots de l'un des cadres de Facebook qui a dit « Les petites boucles de récompense que nous avons créées avec ces outils sont en train de détruire notre société ». Donc il y a un discours comme ça qui est en train de monter et qui est en train de se dire « Bon, mais est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose d'horrible dont on n'arrivera pas à se défaire puisqu'il nous est complètement adapté ?» Alors bon, concernant les conséquences de tous ces sites sur notre cerveau. Comme sur David Loire qui est en train de poster un message ou de répondre à un mail. Je cherchais une info, je n'ai pas réussi à trouver. Et voilà, la peur de ne pas avoir l'information immédiatement. Vous voyez ce que c'est incroyable quand même. Et non, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup plus tout de même aujourd'hui produit des appels à la vigilance, à la déconnexion, dire ne pas dormir avec le téléphone près de soi, couper absolument toute forme de signal pendant la nuit, passer les week-ends ou faire des sessions chaque semaine de 2-3 heures loin de tout écran, loin de tout ordinateur. Est-ce que vous pensez que ça, on a posé la question et voilà, ce qui nous a été répondu, c'est que finalement, il n'y avait pas possibilité quand même d'évacuer tout ça et qu'on ne pouvait pas, par exemple, interdire à un jeune de se connecter complètement, même si on était désespéré de le voir sur son écran en permanence. Par contre, il y a quand même quelques idées, quelques petites applis notamment qui sont élaborées par des informaticiens qui ont retourné leur veste en fait et qui pensent à qui sont passés du côté de l'ennemi du temps lent et qui en fait revendiquent la naissance d'une sorte de label, c'est-à-dire que finalement ils voudraient que l'idée ce serait de pouvoir faire des applis, des sites qui soient labellisés ne nuit pas à mon attention et qui soient équipés de petites techno qui permettent d'éviter le pire. Donc par exemple il y a une appli Space qui impose un temps de latence avant de pénétrer sur votre compte et qui permet de vous couper un petit peu comme ça le circuit de la gratification et de vous empêcher d'être à la recherche comme ça tout le temps de nouvelles choses. Ou il y a une autre appli qui s'appelle Facebook Demetricator et qui efface les chiffres de Facebook, puisque parmi les circuits de récompense, oui, le nombre de likes, le nombre de vues. Et ce qui rend le site un peu moins addictif et ce qui permet de redescendre un petit peu la pression. Et donc après, il y a cette idée-là de label qui pourrait, voilà, et après, ce serait à chacun, finalement, de choisir d'aller sur des sites labellisés ou de se laisser aller complètement, totalement dans 83% des gens qui se servent, 84% des gens qui se servent de leur téléphone en même temps qu'ils regardent la télé, par exemple. 81% qui le regardent pendant les repas de famille. Bref, voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est un dossier passionnant, un peu glaçant, mais vraiment très intéressant et qui pousse surtout à interroger nos rapports individuels aux écrans et à ce type de service Internet. Peut-être un mot, il nous reste quelques secondes sur une autre actualité que vous voulez mentionner, dont on n'aurait pas parlé, David. Oui, alors moi je voudrais parler d'une petite chose que j'ai lue récemment. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a l'intelligence artificielle de Google, Alpha Zero, qui a montré qu'ils pouvaient apprendre à jouer aux échecs ou au go en un temps très court. Et je me suis demandé si ça pouvait, on parlait de sciences participatives, si ce programme pouvait apprendre à jouer à ce jeu qui s'appelle Fold It, qui consiste à essayer de replier des protéines pour aider les chercheurs. Et je me suis dit, oh, c'est une bonne idée. J'ai fait une petite requête Google et évidemment, j'ai vu que DeepMind travaille dessus. Apparemment, ils ont soumis le papier, donc ça devrait bientôt sortir. D'accord. Et donc, j'attends ça avec impatience. Donc, un smart game pour intelligence artificielle. On n'arrête pas le progrès, Pierre Faïs. Peut-être pour finir sur une note un peu plus positive que tout à l'heure pour les rivages. Là, récemment, il y a la vague la plus haute jamais surfé, pas 24,38 m, par un Brésilien, à Nazaré, au Portugal. Ça s'explique par une formation géologique, un grand canyon de plusieurs centaines de mètres qui est profond jusqu'à 5000 km, qui s'arrête à 50 mètres et qui provoque cette houle et cette vague déferlante. Donc c'est assez impressionnant à voir. Eh bien, on va même vous mettre une vidéo sur le fil Twitter de l'émission. Mathilde ? Mais nous, on va suivre. Alors moi, je replombe l'ambiance. On va suivre, cette triste nouvelle de l'arrêt du programme de surveillance des émissions de carbone. Puisqu'il faut rappeler d'une part que ce programme était très peu cher. Il coûtait seulement 10 millions par an, ce qui, à l'échelle du budget de NASA, est rien du tout. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Et d'autre part, il faut rappeler aussi que c'est la seule manière qu'on ait, pour l'instant, de vérifier l'application des traités internationaux et même, d'ailleurs, les émissions tout court. On sait qu'elles sont très mal évaluées, déjà, même malgré des satellites. Mais alors, sans satellites, c'est juste impossible. Donc, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les réactions de la communauté scientifique, notamment. Eh bien, ce sera par ailleurs, je vous le signale, le sujet des idées claires, le nouveau programme que j'ai la chance et l'honneur de produire toutes les semaines en podcast, dès le mercredi matin, en podcast audio et en format vidéo sur vos fameux réseaux sociaux ou en tout cas sur les sites de France Culture et de France Info, puisque c'est une coproduction des deux chaînes. On parlera de cette idée selon laquelle le réchauffement climatique est ou non lié à l'activité humaine. On interrogera une climatologue qui donne les réponses que la science apporte à cette question. Merci beaucoup à tous les trois. Merci David Louapre, Science Étonnante, sur YouTube et sur Internet, sur votre blog. Pierre Faïs, le numéro 7 de la revue Relief consacré au rivage. Et Mathilde Fontes, Science et Vie, notre cerveau adore les neurosciences, vous explique pourquoi. C'est à retrouver dans les kiosques. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne-Antoine Beauchamp, Néminé Guette-Saint-Vulfran, Mathieu Lefrançois, Sarah Ijmans, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Et puis un mot pour vous rappeler aussi Pint of Science, hein, c'est du 14 au 16 mai. Toutes les informations pour écouter de la science en buvant une bière sur pintofscience.fr. Un mot rapide pour la suite de vos aventures. Tout de suite, c'est le magazine de la rédaction du Guatemala à la Bretagne. Itinéraire bis d'un grain de café par Véronique Rebérotte. Tout à l'heure, du grain à moudre en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Réforme des institutions, y a-t-il un bon équilibre des pouvoirs ? Pour ce qui nous concerne, très rapidement, lundi, nous parlerons de l'instinct animal, mardi, des débuts de l'astronomie, mercredi, des muscles synthétiques en robotique, jeudi, nous recevrons Alain Cohn, et vendredi, fiction, on se posera la question de la science-fiction à l'université. Demain, Étienne Klein, quels sont les moteurs de la recherche avec Catherine Bréchignac, et nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.